Bonjour petit enfant, tu es sur le répondeur du Père Noël. Tu veux que je te raconte une belle histoire de Noël? Appuie sur la touche étoile de ton téléphone. Comme ta mère.